pour, on a été donc dans une autre caserne de rang des IM là, parce qu'on ne partait pas par bateau tout de suite, on est parti au bout de 2-3 jours encore, et c'était, on a été reçu bon, par les gardes mobiles, les Arabes derrière, en train de nous huer, tout le long du parcours, pareil, on a été copieusement hué, et puis on a passé 2 jours dans cette caserne, et puis on est donc parti, quoi, bien content.